Contester froidement le dominium de la spiritualité, voilà le thème qui va être à l'étude dans le cadre de cet enregistrement. Ici, David Lévesque au micro, en compagnie de Marc Delassalle. Alors, bonsoir Marc, ça va bien? Oui, ça va bien, David. Excellent. Donc, par rapport à ce sujet, donc de contester froidement le dominium de la spiritualité, il pourrait être intéressant dans un premier temps de définir en quoi consiste le dominium de la spiritualité? C'est que l'âme a assis toutes les conditions évolutives de l'homme dans un cycle d'évolution. C'est-à-dire que l'interférence de toutes les entités astrales sur le plan terrestre ont toute une portée vibratoire qui est nécessairement d'assujettir l'ego de la non-intelligence, mais tu sais, on connaît très bien la dimension de la spiritualité, c'est de faire croire à l'homme que ce qui est en haut est nécessairement plus intelligent que soi, puis que ce qui est en haut est nécessairement bon pour soi, puis c'est pas nécessairement le cas, mais on peut le voir dans la matière. Oui, exactement. C'est sûr qu'en lien avec ce sujet-là, eh bien, présentement au Québec, il se passe une crise sanitaire sans précédent qui perdure depuis plusieurs mois en lien avec le coronavirus. Et présentement, une nouvelle étape a été franchie récemment. C'est-à-dire que les gouvernements ont décidé d'imposer à la grandeur de la province le port du masque obligatoire dans les moyens de transport, comme l'autobus, le métro. Récemment, la ville de Montréal a décidé d'obliger les gens qui, à l'intérieur de bâtiments publics, comme par exemple les épiceries, de porter un masque. Et présentement, il y a des gens qui font de la pression pour que ça se généralise. Donc, derrière ça, il y a des gens qui contestent cette imposition du port du masque comme un affront aux libertés individuelles. Et derrière ça, bien, il y a le désir spirituel d'entités de haute spiritualité qui visent au nom du, entre guillemets, du bien collectif, d'imposer aux gens de porter un masque. Oui, on peut appeler ça le bien fondé de la spiritualité ou le bien fondé de l'homme qui est dans sa spiritualité, toujours avoir l'impression qu'il a raison, puis qu'est-ce qu'il va amener comme réalité, c'est une vérité. Fait que on assiste à ça pour la simple et unique raison que la crainte fait augmenter de plus en plus en raison de ce qui passe aux États-Unis, le retour de la deuxième vague. Puis cette deuxième vague-là, c'est totalement hypothétique, dans le sens que même s'il y en a eu une deuxième vague, l'intelligence des individus à se réorganiser par rapport à la première vague, on a bien vu que l'individu peut créer énormément de choses pour contrer la stupidité. Mais quand la crainte l'emporte sur l'ego, il n'est plus accessible à l'ego la dimension de se réinventer et de voir que si, supposons, on impose le masque puis on habite Montréal, ben, dans une situation présente, moi, je déménagerais éventuellement de Montréal pour m'assurer d'une plus grande liberté. Mais si je ne peux pas le faire, puis on le met obligatoire, le masque, ben, il y a des décisions qu'une personne peut prendre. C'est-à-dire que elle peut simplement marcher pour aller à son travail ou trouver d'autres solutions si elle ne veut pas se faire imposer le masque. Mais là, tu vas me dire, tout le monde ne peut pas faire ça, mais il faut aussi dire, David, que tout le monde n'est pas conscient. Donc, les gens qui peuvent écouter des enregistrements que l'on produit depuis le début, ce sont des gens qui doivent être en mesure d'avoir l'ouverture d'écouter ce qu'il y a à dire sur cette réalité sans s'assujettir à l'impression qu'il y a une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a seulement la réponse de l'individu en lien avec ce qu'il vit. Moi, je vois très bien que le dominion de la spiritualité, c'est de vouloir toujours faire croire au monde qu'ils vont sauver plus de monde possible. Ben oui, exactement. D'ailleurs, le docteur Arruda, directeur de la santé publique, a déclaré que les mesures de confinement ont permis de sauver de 30 à 40 000 personnes dans les derniers mois. Oui, bon, ben. Donc ça, c'est toute l'illusion spirituelle de l'ego qui est capable de dire dans une certitude absolue qu'on peut sauver des vies. Mais quand on est dans la conscience, puis on rentre, puis on veut contester froidement ce dominion de spiritualité-là, que l'homme peut sauver des vies, on dit quoi, en gros? On dit ceci. On dit que l'homme ne sera pas épargné par les pires cycles à venir pour la simple et unique raison que son ego doit être mis en vibration à une plus haute autorité que celle de la crainte. Et cette autorité, c'est le double cosmique. Mais justement, par rapport à ça, il semble qu'il y ait un enlisement dans la crainte de la population présentement, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui réclament le port du masque obligatoire, qui, dans le fond, veulent avoir un vaccin, et ainsi de suite. Oui, c'est normal, David, parce que nous sommes dans une société où l'individu veut orienter sa vie selon ce qui est bon à faire. Puis il veut prendre les bonnes décisions. Et pour s'assurer des bonnes décisions, ben il va regarder tout ce que les gens disent autour. Et ce que les gens disent, ce n'est pas nécessairement intelligent. Ça fait simplement partie des lois d'impression et de compression qu'ils ont dans leur tête. Par rapport au fait que si on ne fait pas quelque chose, si on n'agit pas, on ne pourra pas sauver personne. Donc, chacun se trouve un rôle dans ça. Puis, le dominion de la spiritualité sur la Terre, c'est de donner à chacun un rôle. C'est pas pour rien qu'il y a bien des gens qui veulent défendre des causes. Tu sais, tu as vu émerger dans les dernières années, bon, là, c'est la journée internationale pour défendre telle cause. L'autre journée, c'est une autre chose. C'est complètement ridicule. Exactement. Puis là, la cause à la mode, c'est la lutte contre le coronavirus, le méchant virus. C'est ça. L'année passée, c'était Greta avec Thunberg, les changements l'environnement. climatiques, oui. Ouais. Fait que ça va être quoi la prochaine vague? Ben, c'est qui va la décider, la prochaine vague? C'est le dominion de la spiritualité. Parce que le dominion de la spiritualité est fait de quoi? Est fait d'âmes qui ont une sagesse assez grande pour imposer subtilement dans les pensées de l'individu la crainte qu'il doit bien agir. Donc, ça ne vient pas du double, ça, la crainte de bien agir. Ça vient des entités des hauts plans de la mort qui, eux, gardent l'autorité sur l'individu. Donc, si tu dis ça à une conscience qui est dans un autobus à Montréal avec son masque, puis tu essaies de lui montrer que qu'il emporte un masque ou qu'il n'emporte pas, les plans de la vie ou les plans de la vie de la lumière savent déjà s'il va vivre ou non. Il va dire quoi, le gars? Il va dire, d'où tu vas chercher ça? Ben, je vais dire, c'est une vibration à laquelle tu dois avoir accès. Ouais, mais d'un coup que je meurs, ben, c'est pas grave, parce que si tu meurs, c'est pas ça le problème, c'est comment tu meurs le problème. Parce que les plans de la lumière, s'ils décident que tu vas l'attraper, le coronavirus, tu vas l'attraper, même si tu as ton masque, même si tu as une visière, tu vas l'attraper. Hein? C'est certain. Exactement. Puis même si la personne se fait vacciner. Bon. Ça fait qu'une personne qui est consciente, elle n'accepte aucune autorité au niveau de la spiritualité de se faire sauver ou de sauver quelqu'un. Elle va simplement établir qu'elle, elle peut contester tout ce qu'on amène à sa conscience parce qu'elle a la capacité froide d'être dans une colère instantanée pour savoir ce qui se passe derrière tout événement qui se produit. C'est la seule façon qu'une personne peut investiguer le réel, c'est d'être dans la colère froide pour ne pas se faire interférer à aucun niveau une vibration qui ne vient pas d'elle. Donc, quand l'homme accepte que la condition d'évolution de l'homme est d'accepter dans sa totalité que c'est lui qui va dicter la réalité édifiante de sa conscience, c'est ce qui va lui permettre un jour à cet individu d'être universel. Donc, la présence de l'individu au plan invisible est bien plus importante qu'au coronavirus. Certainement. Et par rapport à ça, derrière l'idée d'imposer le masque, ce qui est particulier, parce que tu sais, je regarde le docteur Arruda, puis lui est très sincère, là, puis il croit faire le bien, puis tu sais, il agit au nom d'un idéal, puis une forme d'amour pour la population. Fait que c'est très Bon, pernicieux. ben lui, on va régler son cas de suite, là, parce que lui, c'est un moralisateur. Sa job, c'est de moraliser le monde. Donc, il n'a jamais parlé avec intelligence parce qu'il n'est pas dans l'intelligence. Il est dans la moralisation. Il pourrait faire un très bon curé. Hein? Oui, exactement. Donc, s'il fait un bon curé, il est donc dans le dominion de la spiritualité, comme toutes les âmes dans le passé qui étaient des bons curés qui ont pensé qu'ils pouvaient sauver le monde. Exactement. Pourquoi que tu es un curé, tu penses? Parce que tu as la crainte dans ton tête de déplaire à tes créateurs. Fait que là, tu penses que Dieu est grand. Fait Mais que. par contre, le point, c'est toi. si ça se généralise, parce que là, on parle de Montréal, il y a d'autres villes aussi, est-ce que toi, pour aller dans des lieux publics, comme par exemple aller faire ton épicerie, tu vas accepter de porter le masque? Regarde, j'avais un rendez-vous pour mes oreilles, pour aller prendre soin de mes oreilles, parce que je porte des appareils auditifs. Puis là, ils m'ont dit que vous allez devoir, monsieur, porter un masque en rentrant. Fait que j'ai annulé mon rendez-vous. Puis je dis, on se reverra en septembre ou en octobre. Puis peut-être qu'en octobre et en septembre, ils vont m'en demander de porter un masque. La vibration dans laquelle je suis, c'est que oui, je vais aller à un endroit qui va me donner quelque chose à moi. Puis je vais le décider en lien avec les formes que je peux établir. C'est-à-dire que si je vais faire mon épicerie, puis je dois respecter le 2 mètres, je le fais. Si je dois faire mon épicerie puis porter le masque, je vais me poser la question, comment je le gère? Est-ce que je le porte le masque ou je vais trouver un autre endroit où je n'ai pas à le gérer le masque? Mais là, tu vas me dire, si tu vis à Montréal, tu n'auras pas bien ben le choix. Mais justement, je ne vis pas à Montréal. Je déménagerai de Montréal, possiblement. Parce que la liberté, OK, ne s'assujettit aucunement à aucune crainte et ne s'assujettit à aucune autorité venant de la société. Bon. Moi, j'ai pas besoin de loi pour respecter la société. Par contre, ceux qui conduisent des automobiles en fou ont besoin des lois. Donc, la situation, c'est toujours la même avec le coronavirus. C'est que là, on veut sauver des vies, puis si tu conduis trop vite, tu mets le monde en danger. Mais la réalité, ce n'est pas cela. C'est que des âmes n'ont pas toutes le même niveau d'évolution, puis il y en a qui doivent être encadrés fermement parce que c'est vraiment des crétins. Hein? Donc, ces hommes-là qui doivent être encadrés fermement, la société n'a pas le droit, pas le choix de mener des lois pour assurer le bon fonctionnement de la société. Mais si on regarde ce qui se passe dans le monde, à travers toutes les sociétés, tu prends la Chine, oui, ils vont peut-être arrêter tout le coronavirus, mais les droits individuels de l'individu, comme on le voit à Hong Kong, ça, c'est pas important, ça. Mais arrêter le coronavirus, ça, c'est important. Fait que si les gens se mettent dans la tête qu'il y a simplement une bonne décision par rapport au coronavirus, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu de tout l'événement. C'est que la réalité planétaire, c'est ceci. Un, tout sera mis en opposition entre les hommes pour voir s'ils sont capables de rester debout devant soit leur propre crainte, soit l'astralité de la société, ou soit encore de leur capacité à contester avec une colère froide, tout ce qui vient en société pour dire à l'homme qu'il n'est pas dans la bonne action. Moi, en tant qu'individu, on parle ce soir, là, puis tu me poses énormément de questions, puis en gros, tu veux connaître ma vibration. Mais ma vibration, c'est qu'il mange toute de la marde. Là, tu vas me dire, ben, tu n'iras pas à l'épicerie, c'est pas ça que j'ai dit. C'est qu'à soir, je dis qu'il mange toute la crise de marde. Non, non, ben, je comprends. Puis moi, personnellement, je suis dans une très grande contestation par rapport au fait que, à quelque part, l'astral est très fort sur la Terre. Oui, donc c'est intéressant de parler de l'astral parce que l'astral, là, ne reculera devant rien pour diminuer. L'homme pour qu'il devienne un pion invisible. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de soumettre à l'homme de l'intelligence, c'est sûr que lui va être piégé dans sa programmation d'âme, puis il ne sera pas capable de s'opposer et de contester le dominion de la spiritualité. Puis le dominion de cette spiritualité, c'est que quand on a créé des âmes, il a bien fallu les faire expérimenter toutes sortes d'expériences à ces âmes-là. Puis, il y a des hommes qui ont expérimenté des situations qui sont totalement différentes de certaines âmes, puis ils ont réussi à apporter une certaine sagesse au niveau de la compréhension de la vie. Puis après ça, on a béatifié ces âmes-là, hein? C'est devenu des saints. Ben oui. Puis en gros, quand une personne est pas comme Arruda, il n'est pas, certainement pas en dehors de l'influence de la religion. Ça me surprendrait beaucoup, parce que dans sa vibration, on voit très bien qu'il veut sauver le monde. Puis Exact. vouloir sauver le monde, c'est le titre propre de la spiritualité. C'est que si on, je donne une définition de la spiritualité, je pourrais en donner deux. C'est que premièrement, la spiritualité est ce qui a fait évoluer le monde selon les plans invisibles. Okay? Et la deuxième chose, c'est que la spiritualité est nécessaire à l'âme pour qu'il y ait un équilibre. Donc, si on prend ces deux éléments-là, on peut recouper la réalité suivante, c'est que l'homme doit vivre sa vie dans la matière sans l'influence de cette spiritualité-là, parce qu'elle est problématique pour sa conscience et son ego, parce qu'elle l'éteint dans sa vibration. Ben, Puis c'est du ça. moment que tu te fais éteindre, hein, Ben tu me suis? oui, tout à fait. Fait que du moment que tu te fais éteindre dans ta vibration, on éteint aussi ton verbe. Il est plus possible pour toi, dans une colère froide, de te réinventer, puis de connaître la profondeur intrinsèque de ton contact avec l'invisible, parce que tu t'assujettis, tabarnak, à de la spiritualité. C'est ça. Puis moi, ce qui me met en colère, c'est les règles qui sont mises en place, dans le sens que cet automne, on voulait faire une conférence intensive ensemble à Québec, mais la manière que ça s'aligne, c'est que les gens vont être obligés d'être à 2 mètres les uns des autres. Puis il va falloir Mais tout ça, c'est respecter. correct. Ça, c'est correct. OK. 2 mètres, c'est pas un problème. C'est ça, C'est, mais moi, je n'imposerai pas de masque à personne. c'est ça, j'allais en venir, là. C'est que la manière que ça se dessine, c'est qu'ils veulent que le masque soit rendu une norme sociale. Que tous les Ah. endroits publics intérieurs, il y a des masques. Mais là, Chris, on mettra pas des, on forcera pas les gens d'avoir des masques d'en face. Ils pourront pas nous poser des questions, tu sais, pendant la conférence. Ben, regarde, ça c'est encore loin, là, tu sais, mais je Ouais. comprends ce que tu dis. C'est que toi, tu trouves ça tellement infantilisant de se Ben, c'est faire dire. ça. Je me sens totalement infantilisé par le gouvernement actuel. Puis je sais que c'est la même chose dans d'autres pays. Puis on est OK. juste. Oui. Donc, ta colère est donc, je dirais, là, pas froide, mais elle est saupoudrée d'un peu de d'émotivité et de chaleur, hein? Oui. OK. Une colère froide va te mettre dans l'autorité absolue de savoir que ça, c'est pas grave, David. Parce que la colère, quand un homme est en colère, il dégage de son aura la dimension intégrale de demander à l'invisible c'est quoi le plus haut principe vibratoire en lien avec, supposons, le fait qu'on va donner un atelier à Québec ou une conférence à Québec. Ils vont dire, si vous réussissez à le faire au mois d'octobre, parce que c'est placé au mois d'octobre, cela veut dire intrinsèquement que nous acceptons que vous parliez dans la matière sans contrainte. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais si l'endroit impose le masque, OK? Nous, tout ce qu'on a à dire, c'est qu'il y a certainement quelqu'un qui possède une maison qui peut simplement nous recevoir, que ce soit à Québec, il ouvre sa maison, puis on fait la journée là, sans masque. Tu sais, la dimension d'autorité de l'individu, c'est de jamais se soumettre à autre chose que son esprit. Puis moi, mon esprit, c'est je ne suis pas venu sur la terre pour porter un Christ de masque. Moi non plus, puis je suis pas venu pour rester à 2 mètres des autres, je suis pas venu pour me laver tout le temps les mains en malade, puis je suis pas venu Mais non plus. le 2 mètres, c'est pas un problème parce que les gens, ils ont des auras, hein? T'as-tu déjà pensé à ça? Puis il y en a qui sont pollués, puis sont parasités. Fait que t'es content de les avoir à 2 mètres. Mais les gens que tu Oui. connais, tu te mettras pas à 2 mètres. Si on se rencontre, tu vas me donner la main, Non, j'espère. oui, exactement, là, même chose pour ma compagne, là. Donc, Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que tu veux faire, en gros, David, des fois, c'est de défendre la veuve puis l'orphelin. Mais t'es ni la veuve ni l'orphelin, c'est ça ton problème? Non, je comprends. Par contre, ça mérite de voir l'astralité là-dedans qui est présent par les entités de haute spirituelle derrière le gouvernement ou le gouvernement, qui veut dire Oui, aux c'est très citoyens quoi intéressant ça. faire, de se faire d'être docile, puis de suivre les consignes aveuglément. Oui, c'est intéressant parce que l'irritation, elle vient du fait que quand notre conscience, là, est fragile ou est perméable ou elle peut être interceptée ou elle peut être pénétrée par l'astral environnement, que ce soit n'importe où. Il y a un parasitage qui se fait, puis ce parasitage-là, on ne peut pas le dégager sans avoir dans sa conscience une colère suffisante pour le dénoncer tout le temps. Donc, On n'arrive donc pas à contester vraiment ce qu'on veut contester parce qu'on est toujours émergé dans une forme de spiritualité qui brime en premier lieu notre capacité à s'élever puis à se mettre en tabarnak puis d'avoir une révolte absolue contre le mensonge. Parce que qu'est-ce qui éteint l'homme? En gros, c'est la spiritualité, hein? Exactement, mais tu sais, je me sens pas dans un état spirituel en opposition avec la Non! spiritualité gouvernementale, tu sais. Non, mais regarde, le principe vibratoire de la spiritualité, du dominion de la spiritualité, c'est d'éteindre l'homme. Puis quand une personne est éteinte, c'est parce qu'elle n'a pas dépassé un niveau de colère suffisamment froide pour mettre en perspective la réalité édifiante que c'est elle qui dicte sa liberté. C'est la personne qui aussi est capable de contester et d'intercepter sur les hauts plans invisibles la grandeur du mensonge cosmique en lien avec tout événement. Comme moi, si je regarde ce qui se passe sur la Terre, le plus grand mensonge avec le coronavirus, je vais demander au double, c'est quoi? Il va dire, c'est la soumission. La soumission aveugle. Comme c'est ce que tu dénonces depuis tantôt et c'est ça qui Exact. t'irrite. Oui. Quand on parle de soumission, on voit très bien la spiritualité dans ce jeu-là. L'Église, s'est arrangée pour que l'homme soit soumis à sa volonté pendant des siècles. La colère froide de l'individu soit dépourvue de réalité concrète, c'est vraiment une grosse problématique parce que l'occulte, on ne peut pas le contester. Fait que moi, je te dirais, la colère froide, Ben, elle fait c'est-à-dire, on peut quoi? contester l'esprit. On a beaucoup de difficulté à contester quoi que ce soit parce que on est marginalisé dans sa vibration. Ah, ben, c'est sûr qu'on ne sera jamais supporté par le collectif. Non. Mais quand que tu es dans la pénétration de ton énergie singulière, qui est la suivante, c'est que ton autorité, un jour, elle doit être amenée au-dessus de toute spiritualité ou tout événement dans le monde. Mais le problème, c'est de savoir si, à quelque part, on est spiritualisé dans une forme. Si je prends là, on parle du coronavirus, mais si Oui. on prend le principe d'amour, il y en a-t-il de la crise de spiritualité dans ce principe-là? Exactement. Bon, OK. Quand on est dans le principe d'amour spirituel, là, on remarque une chose. Les gens ont les yeux dans la graisse de bine. Ben oui, tu sais, la personne au nom de l'amour, sans toi, je suis rien, puis Oui, des non. paroles Puis là, si niaiseuses. on va à un autre degré, puis on est dans conscience, puis il y en a qui vont parler du principe de l'amour, puis on est dans conscience supramentale, là. Mais ils n'ont pas intégré le principe de la haine absolue puis de la colère. Fait que là, quand ils vont parler d'amour, là, ça va être moelleux, là. Ça va être doux. Ouais, ça va Ah. être un amour chaud, puis là, c'est sûr qu'il me vient une personne en tête, mais je veux pas porter Ouais, préjudice. c'est ça. Puis fait que là, on va parler de beauté, puis on va dire, ah, ça a-tu de l'allure, ah, regardez comment on est, puis pourtant, on devrait être dans l'amour, on est des gens conscients. Ça, c'est le langage de la spiritualité, David. C'est pas le langage de l'homme froid. C'est pas le langage. L'homme froid, il va dire au niveau de l'amour, ça c'est très, très froid, ce que je veux dire, c'est Ouais. que l'amour ne se conteste pas. Mais l'amour peut très bien être une fabulation de l'ego pour se donner de l'identité. Ben oui, l'amour astralisé. Oui, c'est que ce soit l'amour spirituel ou l'amour astralisé, comme tu le nommes, il n'y a pas de grande différence entre l'amour spirituel puis l'amour froid. La seule différence entre l'amour spirituel et l'amour froid, c'est que l'amour froid ne vient pas du dominion de la Terre, donc n'ai jamais été assujetti à des lois d'âme. En n'ayant pas été assujetti dans aucune forme à des lois d'âme, elle est froide. Et ce qui veut dire, en gros, que l'amour, lorsqu'elle est assujettie à des lois d'âme, c'est ce qui fait en sorte que l'homme est trompé dans sa vibration, puis il va devenir comme fiévreux à l'idée de pouvoir aimer l'homme, parce que cela est pour lui une vibration qui considère énormément importante, alors que la vibration la plus importante de l'homme sur la Terre, c'est la contestation absolue de l'occulte, puis ça, il peut simplement le faire dans une colère froide. Parce que le principe de l'amour froid ne descend pas avant que l'homme intègre une colère froide qui le met dans la perspective de pouvoir tasser toutes les images qui veulent lui réfléchir quelconque spiritualité à l'égard de sa parole. Si tu me demandes la révolte absolue de l'homme contre les plans, c'est ceci, c'est qu'il n'y doit y avoir aucun mensonge si tu me parles. Parce que s'il y en a un mensonge, ça veut dire que je n'ai pas encore été amené à avoir la colère pour saisir dans la vibration de la pensée ou de la communication l'orgueil de la spiritualité qu'on veut me vendre pour me montrer encore que j'ai des croûtes à apprendre ou que je ne suis pas celui que je suis. La seule façon que l'individu peut s'autoriser à être ce qu'il est, c'est dans une haine absolue de contestation pour dire clairement, une fois pour toutes, que seul lui sera le soleil de sa conscience et que tout soleil qui viendra à sa conscience ne doit pas briller plus que lui, ne doit pas briller moins que lui, il doit simplement émerger dans le rapport de force avec cette grande autorité-là de conscience, de soleil qui viendra d'ailleurs, la réalité suivante, que si tu me contestes, t'es mieux en tabarnak de savoir qui tu es pour me contester, parce que moi, je vais te faire la guerre, hostie. Oui, donc autrement dit, il faut être capable d'haïr le culte avant d'être capable d'être suffisamment réel pour aimer réellement l'homme. Ben, c'est certain, Chris. Voyons donc, pourquoi tu penses que les religions ont été capables de subjuguer l'individu puis le soumettre à de la spiritualité pendant X nombre d'années? Exactement. L'être humain était dans l'amour naïf pour l'être humain, mais il n'était pas assez réel pour percevoir le mensonge là-dedans. Non, parce que le mensonge, c'est caché. L'astral se cache toujours. Exactement. Puis l'ironie du sort, c'est qu'il y a des gens en conscience qui vont dire que, ah, ben, vous parlez froidement du supramental, vous êtes comme des robots, t'sais, qui peuvent faire des attaques pour discréditer. Ouais, ben c'est sûr que quand, mettons, supposons, me dirait quelqu'un, oh, vous êtes trop froid, vous, monsieur. Et moi, je dirais, t'es chanceux que je sois froid. Parce que ça va survivre toute l'humanité dans les années à venir, cette froideur-là que j'amène sur Terre. Tu devrais me remercier, Calice. Puis là, la Fait que personne tu va vois, je dire, non, non, m'assujettis. tu sais, la personne pourrait, si je joue le jeu, elle pourrait dire, non, non, t'as pas intégré le principe chaleureux de l'amour, puis t'es orgueilleux de Oui, dire ben ça, ça, c'est blablabla. sûr. Parce que ça, c'est le dominion de la spiritualité. D'être capable d'éteindre l'homme dans sa vibration. Parce que le verbe d'Arruda, là, quand on l'écoute parler, il est très puissant parce qu'il est supporté par des entités Ben oui, ben c'est spirituelles. ça, je vois son magnétisme énergétique. Tu sais, en quelques semaines, il est devenu une vedette au Québec, des gens qui l'adulent, il a eu son visage sur des t-shirts. C'est une personnalité publique montante qui est vue comme une espèce de saint puis sauveur pour la rédemption de la santé des Québécois, l'homme de la situation. Mais derrière ça, quand tu le regardes parler, il dit « Vous êtes en liberté conditionnelle. Soyez gentils, là, parce que sans ça, moi, je vais refaire le confinement. » Fait qu'il nous menace, tu sais. Oui, non, non, c'est ça, c'est de la grosse morale de curé, tu sais. Madame, si vous n'avez pas 12 enfants, là, le Seigneur, le petit Jésus, il vous aimera pas, là. Fait que c'est de la grosse menace, mais ce qui est important de saisir, c'est que il va y en avoir des pions de l'astral pour diviser l'homme. Ah ben, on Puis en voit plus. beaucoup avec la dénonciation présentement là qui court, des gens qui portent pas le masque, des gens qui se soumettent pas aux 2 mètres. Il y a eu des amendes de police qui ont été faites aussi. Fait que la population devient partie prise des politiques du gouvernement, puis on tombe dans un climat de délation comme dans l'ex-URSS. Ouais, mais ce qu'il faut retenir, David, c'est pas si important que ça, sinon que de l'observer parce Ben, que. attends une minute, c'est pas si important que ça. Ça nous a empêchés de faire notre conférence au mois de mai. Puis là, au mois d'octobre, on est menacé pour être soumis à un cadre très rigide si on peut faire une conférence. OK. Donc, je vais t'expliquer des choses parce que c'est intéressant ce que tu dis pour la simple mesure que on n'a pas été empêché. Parce que, regarde, combien d'enregistrements qu'on a fait depuis? On en a fait Deux, trois? plusieurs. Ça ne nous a pas empêchés de parler, mais de donner Bon, une OK. activité en lieu public. Oui, non, mais c'est correct aussi parce que si les gens ont besoin encore de cette forme-là pour, c'est-à-dire qu'on doit parler en public, moi puis toi éventuellement, puis la vibration n'est pas encore toute placée pour qu'elle soit reconnue, c'est peut-être bon que qu'il y ait un délai. Il faut toujours regarder le plan, les plans de la lumière. Pour intérêt de s'assurer que la vibration amenée en public soit la plus haute. Si à l'intérieur de la réalité que pendant que moi et toi on fait des enregistrements comme ça, toi ton taux vibratoire monte, puis tu es beaucoup plus ferré pour neutraliser l'astral dans une salle parce que moi par expérience de conférencier, je sais toujours que il y a toujours de l'interférence astrale tout partout où ce qu'on va. Ben oui. La réalité, c'est la suivante, c'est que si, à quelque part, une colère froide doit être émise dans une autorité absolue, elle n'a pas à être assujettie éventuellement à un endroit ou quoi que ce soit. Elle va se faire, cette colère-là. Comme moi, si tu me parles ce soir, tu peux saisir que la colère est au premier pas de mon verbe, mais ce n'est pas ce que je vis ce soir dans la conférence qu'on fait. Donc, mais toi, tu es en colère du fait qu'on n'a pas eu la conférence en mai, puis là, peut-être qu'au mois d'octobre, il va y avoir des obstacles encore de l'astral pour empêcher cette réalité-là. Il n'y a pas, OK, d'autorité au-dessus de lui qui va le restreindre à pouvoir dénoncer l'invisible et dénoncer toute la bêtise. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de cette réalité-là qu'on est retardé. Parce que l'universalité de notre conscience en tire profit. Mais regarde, si toi, au départ, tu peux saisir la vibration que ce qu'on va faire, OK, va être incontournable dans les années à venir, tu n'auras pas de problème à être retardé dans ton mouvement. Le temps ne sera pas un problème parce que la vibration de savoir ce que tu vas faire va être plus grande que qu'est-ce que tu penses à faire. Non, non, je comprends. C'est sûr que j'ai à contenir le temps. Ouais. C'est sûr que, regarde, moi, ce que je dirais aux gens, en gros, là, ça fait des années que je le dis, c'est le temps que vous commencez à lire des livres, parce que écouter des conférences, c'est bien beau, mais c'est le temps que les gens commencent à lire des livres, parce que les livres sont là pour permettre à la vibration d'une personne de s'intégrer selon son rythme à elle, parce qu'elle est obligée de faire une présence vibratoire à ce qu'elle lit, tout le temps. C'est ça qui élève son taux mental. Alors que quand tu écoutes un enregistrement, tu peux penser à ta liste d'épicerie, tu peux penser à n'importe quoi. Oui, par contre, la personne peut être dans la vibration de l'enregistrement, puis simultanément, à l'intérieur d'elle, son esprit lui parle, parce qu'elle est Oui. mise en vibration. Fait que ce phénomène-là aussi qui est quand même intéressant, là. Oui. Parce que c'est ça, c'est que dans la capacité de dénoncer ou l'astral, puis de contester le dominion de la spiritualité, il faut voir le mandat que l'homme a à accomplir sur Terre. Je sais très bien que tu as un mandat indirectement à faire connaître le travail de la conscience supramentale, mais ça se peut très bien que ton mandat soit aussi à travers le fait qu'on doit faire des choses, moi aussi, ensemble, parce que c'est comme ça que tu vas faire connaître la conscience supramentale. T'sais? Exact. Puis cette réalité-là vibratoire est déjà beaucoup plus grande que le simple exercice que toi de dénoncer qu'est-ce qui se passe en société. Exactement. Mais en même temps, pour moi, la conscience supramentale permet de faire l'étude de n'importe quel sujet. Et si je suis mis en vibration par rapport à ce qui se passe en société, ben, je suis capable d'aller là-dedans. Donc, à quelque part, il y a des choses à dévoiler parce qu'il y a des gens qui sont naïfs par rapport à qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement. Puis là, Ouais, tranquillement, mais oui. moi je les félicite. Tu sais, au contraire, tu sais, je les féliciterais d'être naïfs parce qu'ils sont pas supposés d'être en conscience. Donc, c'est que si tu veux vraiment vraiment étudier la société, il faut que tu sois dans le principe vibratoire de ce que les plans de la lumière vont faire. Si tu le décortiques, la société, puis tu penses que tu as un rôle à jouer, tu te trompes parce que tombe dans le dominion de la spiritualité Non, en non, je n'ai pensant que pas de c'est un rôle mission de rêve. spirituelle par rapport au C'est ça. collectif. Je ne suis pas là pour sauver le correctif de Non, sa c'est ça. naïveté envers les dirigeants. Par contre, je suis intéressé quand même à avoir une lecture du réel de qu'est-ce qui se passe Oui, derrière ben. ces gens-là, puis le culte vibratoire qui les anime. OK, donc la question est la suivante. Pourquoi est-ce que les gens vibrent autant au coronavirus? Dis-moi-le la réponse. Parce que ils ont peur, ils sont soumis au dominium de la spiritualité, comme on en parle depuis tantôt. Aux lois Donc, d'âme. exactement, OK. ils vibrent à de l'astral, puis il y a comme une densification, une rigidification par rapport à ça. Tu sais, il y a un enlisement dans la crainte. OK, bon, ben, on vient de finir le sujet parce que c'est ça le principe, hein? Donc, Exactement. qu'est-ce que tu peux dire ensuite au niveau de la conscience supramentale? Pourquoi est-ce que les plans de la lumière veulent que cela se vive sur Terre? Parce que ça va amener à quelque part des gens à tellement souffrir qu'à un moment donné, il y en a qui vont sortir de l'astral, vont dire ça n'a pas de bon sens, c'est trop rigide comme règle sociale, la peur, ils vont être tannés d'avoir peur après 3-4 mois, là. Ouais, donc, puis ça, on peut certainement dire que ce ne sera pas des millions, là, ça va peut-être être une centaine de personnes, hein, au Québec, supposons. Exact. Mais ces centaines de personnes-là au Québec, tu sais, ils sont capables de vibrer à la conscience, ils sont amenés à la conscience, c'est parce que eux autres, ils sont appelés dans le futur à supporter la descente de la régence planétaire. Donc, la descente de la régence planétaire va faire éclater le dominion de la spiritualité, pour la simple et unique raison. Du moment que la régence peut être supportée par des hommes qui ont une conscience vibratoire de fusion avec la lumière, cela va permettre à ce moment à des énergies ovnis extraterrestres de venir en contact avec l'homme sur la Terre pour inverser tranquillement le dominion de la spiritualité. Ça ne peut pas être fait avant. Donc, autrement dit, il faut que il y ait, c'est sûr, des nouvelles recrues, puis qu'à quelque part, ils soient suffisamment stables psychiquement pour être capables de transiger avec les extraterrestres, là. C'est ça, parce que la volonté scientifique de l'être immortel, c'est de ne jamais fondre à aucune vibration, de ne pas être magnétisé par des êtres venant d'ailleurs. Donc, ces êtres qui vont venir d'ailleurs, okay, ils ont une vibration très, très forte, okay, au niveau du mental, parce qu'ils ont des lois de antimatière beaucoup plus grandes que ce que l'homme peut imaginer. Donc, si l'individu n'est pas amené à cette force de vibration-là par lui-même en contestant toutes les dominions de spiritualité, il ne pourra jamais savoir pourquoi ces êtres-là viennent sur la Terre. Puis justement, c'est la rencontre ultime qui va faire éclater le dominion de la spiritualité. Ben, la rencontre avec eux autres. C'est que du moment que la régence planétaire va être assise, il Oui. va y avoir la possibilité d'êtres venant d'ailleurs de venir faire un petit tour sur la planète Terre pour ajuster les vibrations, puis d'être avec l'homme. Ça, penses-tu que les gouvernements ne seront pas mis en contact avec ces réalités-là? Non, ben c'est sûr. Mais Fait que tu vois-tu que oui. le petit docteur Arruda, là, qui va pisser dans ses culottes en esti quand ça va se passer, ça? Il va-tu le mettre son masque, Chris? Il va avoir peur. Il va avoir peur des Fait que. extraterrestres, mais probablement qu'il sera plus là sur Terre parce que, tu sais, si la Non, régence va en c'est une 2070 quinzaine ou. d'années. Oh, une quinzaine d'années, il va y avoir déjà des contacts. Fait que Ah, ben, ça ne sera pas officialisé avant 2070, là, OK. mais dans une quinzaine d'années, il va commencer à y avoir des contacts. Ah, mais Parce que. il y en a déjà présentement des contacts. Ouais, Depuis mais les c'est années pas des contacts 50, intelligents, je peux non, je suis t'assurer. d'accord avec toi, là, des Hein? petits gris qui enlèvent des personnes pour faire des Et expériences génétiques, là. ils sont pas venus, ils sont pas venus me parler pour me dire encore qu'ils sont intelligents, là. Fait que, on va attendre un petit peu, là. Exact. Parce que dans le principe du feu cosmique de l'homme, il peut capter ces individus-là, même s'ils ne sont pas. Même si lui, l'homme, moi, si je vais dans l'antimatière de ma conscience, ils sont très près, ces hosties-là. Hein? Ils sont très près. Puis ça, c'est pas toutes des lumières, mais il y en a qui sont très, très, très près de l'homme pour donner un coup de main à la Terre. Parce que c'est pas vrai que c'est pas toutes des lumières. Il y en a qui, dans d'autres civilisations, dans d'autres espaces-temps, ils ont créé énormément de situations pour faire évoluer leur propre cosmos local. Mais quand ils vont voir que nous autres, si on est en train de polluer notre hostile environnement, puis on menace par une explosion nucléaire ou quoi que ce soit leur cosmos à eux autres, à cause de la Chine, qui est complètement perturbée par le mouvement de tout ce qui peut être antidémocratique, parce qu'eux autres, c'est une dictature de merde, puis que Poutine se fait réélire au pouvoir encore jusqu'en 2030 quelque chose. Cela démontre à quel point on est très près d'un enjeu d'un conflit mondial très important. Mais ce conflit-là, les forces de la lumière savent très bien s'il doit apparaître ou s'il ne doit pas apparaître. Donc, il y aura toujours dans la conscience des individus des événements qui vont faire en sorte qu'on peut mettre en vibration n'importe quel individu pour soustraire la société aux déchets nucléaires, aux désastres nucléaires, parce qu'il va y avoir un individu qui va intervenir. Ou ils peuvent décider, non, il faut qu'ils interviennent, parce que là, quand la régence planétaire va s'installer, c'est des êtres venant d'un autre cosmos qui vont devenir importants dans l'association de la cosmogonie de l'homme pour permettre une association. Okay? Et cette association-là va venir du fait que l'homme n'aura plus de dominion astral au-dessus de lui. Donc, sa spiritualité va être totalement brûlée. Fait que si le coronavirus t'amène, toi, David, à réaliser à quel point tout ce qui est vécu dans la matière par l'individu, c'est pour nourrir la spiritualité, mais qu'en revers, toi, tu dois développer une colère totalement froide pour en arriver à élever ta vibration au-dessus de la réalité que tu ne peux pas être abusé dans ta conscience par aucune autorité que ce soit. Fait que le docteur Arruda, tu le regardes aller, tu dis, c'est vraiment un con. Puis l'homme n'est pas habitué de dire qu'un docteur, c'est un con. Mais lui, c'est un con. Ah, ben, j'ai jamais été fasciné par son titre professionnel, quand même qu'un doctorat, cette forme-là m'impressionne pas. Par contre, dans le fond, par C'est pas le rapport. principe du docteur que je parle. OK. Ben, c'est son principe C'est le principe de vibratoire. l'individu qui prend une autorité dont il n'a pas dans la matière et qu'il exerce une certaine crainte parce qu'il ne veut pas déplaire à ses hosties de créateurs. Mais tabarnak, moi, si j'étais celui qui s'occupe du coronavirus, là, je ferais exactement que ce que Donald Trump fait à certains niveaux. C'est-à-dire, il n'y en a pas de crise de problème. Continuez à vivre vos vies, puis on verra avec le temps qu'est-ce qui se passe. Exactement, parce que Donald Trump il a déclaré que dans 99% des cas, le coronavirus, il n'est pas mortel. Puis, c'est la réalité froide que le coronavirus, là, Chris, si on commence à comprendre que l'individu va utiliser n'importe quoi aujourd'hui pour faire la morale à l'autre, on vient de comprendre que le dominion de la spiritualité, c'est un, de mettre en vibration le corps émotif de l'individu pour la crainte qu'il a dans son mental, lui permettre, dans son verbe, d'adresser chez l'autre une réalité de liberté que lui craint parce qu'il ne peut pas l'arracher. Penses-tu vraiment que les forces de la lumière, les plus grandes forces de la lumière, le savent que l'utilité du dominion de la spiritualité d'une conscience pour eux autres, c'est bien utile? Dis-moi pourquoi c'est bien utile, tu vas voir. Ben parce que ça permet à voir à l'homme où ce que des failles, où ce que de la naïveté, où ce qui se fait récupérer puis vibre à de la crainte. C'est ça. Ça lui Donc permet de voir la crainte dans son mental. c'est ça, puis ça permet de monter aussi en intelligence pour contester ça puis neutraliser ce virus psychique. On parlait de virus tantôt, mais à quelque part c'est comme une propagation qui se fait à travers les médias là, la crainte avec le dominium spirituel. C'est sûr que tantôt tu parlais, puis ce qui m'est venu en tête, c'est que un peu comme la question du terrorisme international suite aux attentats du 11 septembre, qui est devenu une crainte à tout azimut, c'est-à-dire depuis ce temps-là aux États-Unis, il y a le Patriotic Act qui fait en sorte que les conversations de tout le monde peuvent être écoutées, être espionnées. Puis suite à cette menace-là, comme la menace des attentats terroristes est toujours omniprésente, mais il y a des gens qui disent que ça va être la même chose par rapport au coronavirus. Puis là, ça va permettre de violer davantage de libertés individuelles en invoquant le coronavirus, puis ça va durer pendant des années de temps. Oui, ben c'est parce que c'est sûr que la liberté individuelle, c'est pas un principe, hein? C'est beaucoup plus un énoncé. Parce qu'un principe au niveau de la liberté de l'homme, de l'individu, elle se situe dans son mental. Fait C'est un concept, la liberté individuelle. Puis tous les concepts doivent être malmenés. Ils doivent être. Parce que l'homme est vraiment un pion de l'invisible. Puis il n'y a pas aucune idée que la seule fusion dans son mental qui peut l'amener à une totalité de conscience pour dénoncer, puis contester, dans sa capacité à devenir un être immortel, l'invisible, c'est justement ce que tu viens de dire. C'est d'être capable de voir entre les lignes pourquoi la société vit ça, pourquoi la société est rendue à tel niveau de confinement ou de soumission, et pourquoi qu'un jour, l'homme, dans sa conscience, il va être chez lui, puis il va faire une colère du calice contre toute la crise de bullshit. Puis ça va être suffisant pour l'éclairer pour les 3 prochaines décennies par rapport à ce qui va se passer sur la Terre. Exact. Les dominiums spirituels sont en quelque part une sous-catégorie, une sous-traitance des forces sataniques dans un sens. C'est des forces sataniques, justement. Parce que si c'était luciférien, si, penses-tu vraiment que les entités du haut plan de la mort sont contentes de savoir qu'ils seraient sous le joug de forces luciférienne de la noirceur? Ben non. Ben non. Fait que le gourou qui est dans un ashram, là, ou en Inde, là, tu vas le voir, ça s'appelle n'importe qui. Là. Hey, sais-tu qu'il y a des forces de noirceur très, très puissantes qui sont derrière toi? Non, non, non, c'est des forces de lumière. Ah, ouais. Ouais. Et Mais pourquoi que. il peut pas capter vibratoirement la lumière de l'esprit s'il n'y a pas la Ben non. fusion, fait qu'il peut pas le voir, fait qu'il est myope de cette réalité malgré lui. Fait que là, tu expliques ça. Tu dis, explique-moi ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui te donnent leur autorité puis ils s'en remettent à toi? Là, le gourou, il va dire, ben, c'est parce qu'ils ont confiance en moi. Hein? C'est parce que. Puis un homme conscient, il va dire, c'est parce que tu n'es pas conscient que toi, tu te fais. Tu sais, violenté dans ta propre énergie parce que tu n'es même pas capable de savoir qu'est-ce qui est au-dessus de ta tête. Fait qu'imagine. Donc, un homme qui est libre de l'astral, c'est quoi dans le fond, David? Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas sous le dominium de la spiritualité qu'on parle, puis il est sous le dominium d'aucune force. C'est un être qui est autonome. C'est un être, il y a un beau terme pour décrire ça, c'est qu'il est souverain dans sa conscience, il n'y a aucune force au-dessus de lui. C'est ça, il est capable d'investiguer n'importe quoi. Puis il n'y a aucune retenue, hein? Exactement. Puis, Parce que aussitôt oui. qu'il y a une retenue, ça veut dire qu'il y a une perméabilité des forces astrales qui jouent sur sa conscience. Comme tu peux le voir, toi, que tu as encore ça dans ta conscience. Oui, exactement. Bon, ben. Fait que c'est intéressant parce que cette nuance-là a pour prérogative de déterminer ton réel futur. Exactement, ça me permet de voir les ondes qui ont été épurées. Bon, fait que utilise cette réalité-là à bon escient, en sachant très bien que toute colère de l'homme qui vient par l'homme revient toujours à ne jamais se soumettre à aucun agenda que ce soit. C'est-à-dire que oui, on peut parler dans la société de peut-être amener les gens à porter un masque, mais toi, dans ton autorité absolue, tu sais déjà que tu n'en porteras pas de masque. Et le jour que tu vas porter un masque, tu vas dire au plan de la lumière, j'ai bien hâte de voir mes tabarnak, comment vous allez m'arranger ça. Moi, je vais voir un ostéopathe pour ma mâchoire, là, parce que j'ai des problèmes de mâchoire. Puis, la première chose qu'on me dit au téléphone, OK, ben, vous allez devoir attendre l'extérieur. Et si vous n'avez pas de masque, on va vous en fournir un pour que vous ayez un masque, tu sais, pour rentrer. Fait que je suis allé voir, puis ils m'ont pas donné de masque, puis je suis rentré, puis ça fait 2 fois que j'y vais, puis j'en porte pas de masque. Puis j'ai dit à la fille qui me donne le traitement, j'ai dit, t'es pas obligé de le porter de masque. Si tu veux être plus à l'aise, j'ai dit, ouais, ben, elle garde son masque, moi, ça me dérange pas. Parce que je peux traiter avec n'importe quelle réalité du fait que je ne suis pas dans l'astral. J'ai développé une allergie contre l'astral. C'est-à-dire que du moment que je capte de l'astral, mon taux vibratoire monte automatiquement parce que je sais que cette autorité-là de l'astral veut me parasiter à quelque niveau que ce soit, mais elle ne peut même pas parce que le taux vibratoire de ta conscience qui va dans ton aura à un moment donné va les aveugler, ces entités-là. Fait qu'oublie pas ça comme principe. Même si on veut nous forcer éventuellement à porter un masque, tu checkeras très, très précisément que l'agenda occulte de l'homme avec la réalité suivante de ne pas porter un masque, c'est de savoir que quand il se déplacera, il ne portera pas de masque. Et si l'homme a à se déplacer et aller faire son épicerie parce que il est dans un lieu comme Montréal, il va crisser son camp. Moi, demain matin, tu me dis là, je suis en Chine, là, puis là, Hong Kong, s'ils sont en train de mettre des lois, là, tu as vu celui qui était pour la démocratie, le jeune homme, là, c'est un jeune Chinois de Hong Kong, je ne me rappelle pas son nom. Il a crissé son camp de là. Mais il a crissé son camp peut-être par crainte, mais n'importe quel individu qui était le moindrement intelligent en 33, 34, quand il voyait Hitler en Allemagne, là, monter les choses, il crissait son camp de l'Allemagne. Fait que tout individu qui a une conscience vibratoire, là, il a simplement la réalité d'investiguer pour lui-même où va s'arrêter sa liberté s'il reste. C'est-à-dire que... Oui, mais le point, c'est que par rapport à une pandémie mondiale de coronavirus, où ce que l'ensemble des pays du globe sont atteints, ben si tu quittes le Québec puis tu vas aux États-Unis ou à d'autres endroits, il y aura quand même des gens qui vont être atteints puis des consignes strictes qu'on va chercher à nous imposer. Oui, mais toi, tu regardes la vie trop court. OK, vas-y. Tu mets ça dans une petite boîte de 2-3 mois. Mets ça dans une boîte de 10 ans. C'est passager, ce qui se passe là, David. C'est seulement passager. Il y a d'autres réalités vibratoires qui vont venir bousculer tout ce qu'on vit, beaucoup plus fulgurantes que le coronavirus. Oui, bien, c'est sûr qu'on avait déjà parlé ensemble de l'éventualité des changements climatiques, puis, entre tu autres. Sais, il y a des réalités qui sont très, très prenantes, puis je vais t'en donner une, c'est que lorsque le nucléaire va frapper la Terre, il y a des endroits qui ne pourront plus être vivables. Est-ce que l'homme conscient va être là? La réponse est non. Parce que l'homme conscient, l'homme qui est dans son soleil, va toujours avoir la capacité de parler ce qui se passe. C'est-à-dire que on en donne-tu une conférence au mois d'octobre? Ils disent c'est fort probablement que oui. OK? Puis est-ce que c'est important? C'est pas important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir que l'homme ne pourra jamais être éteint. On ne pourra jamais m'éteindre. Tu ne pourras jamais être éteint. Pour intégrer les conditions d'évolution de la planète Terre dans les années à venir, ça va prendre énormément d'autorité. Tu es d'accord? Oui, exactement, parce qu'il y a plusieurs mesures qui cherchent à nous éteindre, ou nous voiler ou nous museler avec le masque. Bon, le dominion de la spiritualité qui est gouverné par des autres entités spirituelles, OK, a pour objet ceci. Que la lumière ne descende pas sur la terre, mais que la lumière réfléchie qu'ils ont soit l'absolue vérité pour que l'homme rayonne dans son amour chaud et spirituel et blablabla. Ça fait-tu du sens, ça? Oui, exactement. Ça me faisait penser vaguement à la fin des années 60 aux hippies, ça, les Peace and Love, là, tu sais, qui fumaient du pot. La drogue, puis, d'où c'est venu, tu penses? De ce plan-là. C'était pour ouvrir les centres des gens pour qu'ils soient plus spirituels. Puis qu'il y ait plus d'entrées astrales pour se faire fourrer alors qu'eux autres pensaient à s'ouvrir au cosmos. Ben oui, mais il y a toujours un versant luciférien. Le versant de la lumière, c'était la société, la planète Terre, OK, va vivre un tel fléau au travers de la drogue qu'à un moment donné, c'est ça qui va l'amener. Elle va investiguer un peu plus qu'est-ce qui doit être anéanti sur la Terre. Puis ça, c'est une des choses que l'homme va anéantir en la drogue. C'est très dangereux, la drogue. Oui, et curieusement, il y a à peine quelques années, la marijuana a été légalisée au Québec. Oui, c'est ça. Tu me prendrais-tu à fumer un joint, toi? Ben non. Non. Voyons. Ben non. Et, tu sais, ma conscience est déjà toute ouverte à de la lumière. Je n'irai pas me crisser de l'astral là-dedans, non? Non, ça, j'en doute pas. Par contre, le point, c'est que c'est curieux que si on est appelé à vivre ça, ben à court terme, ça va dans le sens contraire, dans le sens que la drogue est banalisée, puis c'est normal, c'est légalisé. C'est ça, mais c'est l'astral qui banalise ça, là, tu sais. Il faut voir dans le dominion spirituel, les hautes entités, okay, du plan de la mort, qui veulent gouverner, okay, la Terre à partir d'une spiritualité où l'homme peut être généreux, tu sais, la bienfaisance. Tu sais. Ça, c'est le premier niveau, tu sais, la bienfaisance. Ils font ça pour les bienfaits de l'homme. Ben Mais le oui. deuxième niveau, c'est, hey, ben, on a de la lumière à arracher de ça, nous autres. Tu sais. Ça nous permet de continuer d'être en puissance en tant que dominion sur le gouvernement, tu sais, invisible de la Terre. Fait que, penses-tu vraiment qu'ils veulent converser avec des êtres comme nous autres? Ben non. Non. Fait que, le problème est tout là, c'est que, David, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui parle dans la matière, ça ne veut pas dire que dans 5 minutes, il va parler et ça va tout être intelligent. Mais il est possible que tu puisses sentir son intelligence à la personne. Puis Arruda, j'en sens pas d'intelligence, je m'excuse, alors que Legault, il est intelligent. Tu peux-tu faire la nuance pourquoi Legault est intelligent? Ben, Legault, il est plus pratique, tu sais, je le Non, sens mais c'est moins pas pour ça qu'il est spiritualisé. intelligent. OK, Pas vas-y. pour ça. Vas-y, trouve le principe de pourquoi Legault est intelligent. Ben, moi, c'est parce que je le sens quand même assez solide là, par rapport à la C'est ça. situation. C'est ça. Il y a une autorité, hein? Oui. Il y a une autorité, puis il est capable, dans son verbe, de ne pas infantiliser le monde. Exactement la différence d'Arruda qui nous dit qu'on est Oui. en liberté conditionnelle comme si c'était le geôlier, puis on était un pris en otage par lui, là, tu sais. C'est ça. Donc, quand on regarde le principe de tout être individu, on peut voir que s'il est dans de l'intelligence, il va être froid par rapport à son environnement, c'est-à-dire qu'il va être capable de saisir par lui-même, dans sa conscience, s'il peut amener l'homme à respecter une certaine autorité qui est intelligente à respecter. Donc, Exact. si tu as un certain leadership, tu ne veux pas convaincre le monde. Tu veux le parler pour mettre le mental en vibration, puis que les autres s'agissent, s'activent eux autres-mêmes. Ouais, c'est intelligent, ce qu'il dit. Donc, dans ce cas-là, il n'y en a pas de problème. Tu n'es pas dans un dominion spirituel. C'est ça, il n'y Tu a es pas simplement dans un d'imposition. exercice. C'est ça, il y a plus Yep. de... Ouais. C'est l'exercice de la parole pour amener une conscience à de la liberté, c'est de refuser de l'infantiliser. Exact. Donc, fait que, tu sais, Trump, il infantilise personne. Oui, peut-être qu'il dit n'importe quoi des fois, tu sais, Oui. mais et puis il y a quand même une certaine haine envers beaucoup, beaucoup d'individus en société, parce que lui, ce qui haït le plus Trump, en gros, là, c'est l'incapacité de l'individu de savoir qu'est-ce que lui doit faire pour être libre. Puis lui, Trump, il veut l'amener l'individu à être libre dans sa façon de faire. Donc, il y a un principe de liberté très, très grand au-dessus de lui. Exactement, son principe de liberté est plus grand que le désir de sécurité puis de confiner les gens au nom de leur protection. Puis, tu sais, quand il parle aussi, étant donné qu'il met pas de gants blancs, parce qu'il n'y a pas de crainte, donc il est en dehors du dominion spirituel, de vouloir faire plaisir, mais il est quand même sous le dominion spirituel d'une autorité divine, parce que c'est un être croyant, hein? Exactement. C'est sûr qu'il est direct dans la façon de s'exprimer. Il est aussi orgueilleux parce que justement, il Oui. y a une espèce d'orgueil spirituel. J'ai l'impression qu'il se voit un peu comme étant l'élu ou celui qui va réformer l'économie américaine. Mais la réalité, c'est que il faut savoir ceci pour tout être qui est en politique, qui doit exercer un mandat planétaire au niveau de la capacité de gérer des gouvernements, c'est ceci. C'est si les plans de la lumière décident, okay, que toi, tu dois être là pour X nombre d'années pour assurer un équilibre planétaire, c'est toi qui vas être là. Fait que George Bush était décidé pour X raisons. Ensuite de ça, il y a eu Churchill, qui a été décidé pour X raisons, même si on le traite d'esclavagiste, t'sais, parce que. Mais Churchill a été la force, okay, d'union pour contrer Hitler. Ben, Chris, il a été envoyé par les forces de la lumière. Il était dans le sens gouverné dans une conscience spirituelle par un mandat beaucoup plus grand que le dominion de la spiritualité, qui était que toute intervention de la lumière, okay, ne sera jamais vraiment dévoilée. au dominium spirituel. Tu es d'accord? Non, exactement. De toute façon, le dominium spirituel, de par sa nature orgueilleuse, serait pas capable de s'y ouvrir puis de le comprendre en totalité. C'est ça, mais c'est que des êtres conscients, ça a une grande puissance vibratoire sur la planète Terre. Si tu parles, OK, avec du monde, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont pas la puissance de mettre ton mental en vibration. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas? Ben, parce que ils sont pas en vibration eux-mêmes, ils sont pas conscients, tu sais. C'est parce qu'ils n'ont pas le mandat de le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai un mandat sur la planète Terre. J'ai un mandat d'avoir écrit des livres. J'ai un mandat de parler en public parce que je peux mettre en vibration l'homme, comme très peu de gens peuvent le faire. Mais moi, je le dis parce que je le sais pour moi. Si les gens ne le savent pas, puis ensuite de ça, ils disent, ah, il est orgueilleux, cet individu-là. Vas-y, rencontre-moi, là, puis après ça, on va voir. Hein? Tu décideras si je suis orgueilleux par après. Mais essaie pas de voir dans une réalité absolue qu'un initié n'a pas le droit d'émettre dans le verbe de la terre une conscience immortelle. L'homme qui parle est déjà immortel, parce qu'on n'est même pas dans la matière, on est dans l'antimatière quand on parle, au niveau de la conscience supramentale. Si on Oui. jase, c'est pas pareil. Non, non, Mais je quand. comprends. Là, au niveau de la parole supramentale, c'est parce qu'on est dans une dimension de véhiculer une conscience éthérisée à travers la forme. Oui, puis le but absolu de l'homme, là, qui parle, qui va parler, qui est à Bernard de Montréal, puis que tous les autres qui vont, c'est de faire naître dans l'homme sa propre lumière, de la mettre en vibration, pour que l'individu s'arrache lui-même des forces de la spiritualité, du dominion. Puis, si nous autres, on ne fait pas ça, on n'est d'aucune utilité. Tu sais, si moi je Exact. fais des conférences, si je fais ça avec toi, puis je suis pas capable de l'amener à toutes les fois dans le verbe d'une conférence, ce que je fais, c'est d'aucune utilité. En effet, parce que ça ne permet pas un rayonnement vibratoire. David, ton verbe, s'il ne met pas en vibration, OK, le mandat cosmique de ta conscience pour élever le mental de l'homme à une dimension plus grande que qu'est-ce qui est connu dans le supramental, tu perds ton temps. C'est pas la conscience supramentale qui compte. C'est pas de faire véhiculer la conscience supramentale qui compte. C'est pas de parler de conscience supramentale qui compte. C'est de faire vibrer sur les plans de la parole, dans les plans invisibles, le verbe de l'homme pour qu'il ne s'éteigne jamais. Puis moi, qu'il y a une conférence qui se vende ou qui ne se vende pas, c'est pas important. C'est que je connais la vibration qui existe sur les plans parallèles dans l'antimatière de ce que je dis. Puis je vais te dire, ça brasse en tabarnak des réalités. Parce que le dominion de la spiritualité, à toutes les fois que je parle, je le fais diminuer. Non pas sur la planète Terre, mais sur l'exercice global de l'univers local à laquelle on s'en vient, hein? Checkez-vous bien, tabarnak, l'homme supramental, l'homme en fusion, il s'en vient. Puis ça va rien que prendre des crises d'événements, des plans de la lumière qui vont faire basculer cette dominion de sécurité émotive sur la Terre et que ce sera l'homme conscient, supramental, parce qu'il aura parlé sur les plans, il va descendre sa vibration dans la matière parce que là, les plans de la lumière ont décidé que c'est le temps, tabarnak. Avant ça, moi, ce que je parle, c'est que je parle au plan invisible. Les autres, ils prennent des notes à toutes les fois que tu parles, à toutes les fois qu'ils regardent ta vibration au début, là, qu'on s'est parlé. Tu étais beaucoup plus insécure au début de la conversation en lien avec ce qui se passe en société que tu l'es présentement. Oui, certainement. Puis tu vas me dire pourquoi. Tu vas me dire ceci, probablement. C'est que la contestation que tu ne peux pas amener dans le monde parce que tu ne peux pas l'amener sur les plans te nuit énormément dans le monde. Oui, en effet, parce qu'à ce moment-là, je suis plus en éponge puis en absorption Et de voilà. l'astralité du monde. Mais ce que je te dirais quand même, c'est que chez moi, mentalement, je vais écouter un bulletin de nouvelles puis je vais monter spontanément en crise quand que je vois l'astral derrière le gouvernement, là, tu sais. Oui, mais moi, je vais te dire honnêtement, si tu te mets en crise, c'est parce que tu sais pas que les plans de la lumière le veulent, ça. C'est eux autres que tu devrais investiguer. C'est pas. Quand aussitôt que tu vois quelqu'un, moi, là, la seule chose qui met mon mental en vibration, c'est quoi tu penses? C'est la beauté. Ce matin, je lisais, tu sais, tu connais-tu Ennio Morricone? Non. Ennio Morricone, c'est un homme de 81 ans qui est décédé. Puis lui, il faisait de la musique de film, des films de Clint Eastwood avec Sergio Leone dans les années 60. Il en a fait 5 films. Puis je t'invite à écouter une de ses chansons qui est probablement dans l'Ouest. En tout cas, c'est une chanson très, très belle parce qu'à un moment donné, il y a une voix d'opéra qui monte en crescendo dans la chanson. Puis là, il y a un individu qui disait, après sa mort, que lui avait dit ceci à Ennio Morricone, c'est que quand vous vivez quelque chose, puis vous voulez faire quelque chose, c'est bien souvent la première réalité que vous allez avoir qui va vous mettre pas en vibration, mais que vous allez avoir dans votre tête qui va être la bonne. Mais tout le reste va être pour vous éteindre. Hein? C'est intelligent. Oui, bien, Puis il qu'est-ce qui dit, émerge en premier sans la réflexion, sans que ça soit trafiqué par l'astral, c'est ça qui est c'est réel. ça, ça veut dire que la lumière est toujours prête dans ce temps-là. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Mais l'astral, quand il est fort dans le dominion d'une conscience, on sait très bien que c'est le doute, la culpabilité, la crainte qui va embarquer par la suite. Ensuite, il dit, j'ai appris à m'effacer parfois parce que des fois, je faisais de la musique pour un film, puis finalement, la musique n'était pas au service du film, mais au service de mon ego et j'ai appris à m'effacer. Fait que c'est de l'intelligence. Fait Oui. que ça va mettre ta vibration en éveil parce que ça va égayer ta beauté. Mais moi, quand j'écoute les nouvelles le soir, bien souvent, j'ai la manette dans les mains, là, puis je regarde rapidement, puis je sais que c'est pas intelligent ou pas, fait que j'écoute pas ça. En gros, si tu écoutes les nouvelles, il y en a très peu de nouvelles. C'est du monde qui raconte leurs émotions. C'est ça. Surtout si on en regarde TVA qui a comme slogan diffuseur Ouais, d'émotions. ben c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ils nourrissent, c'est sur leur dada. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est écouter les nouvelles américaines. Il y a un noir à NBC à 6h30 qui s'appelle Lester Holt. OK. Il y a une crise de belles vibrations. Une crise de belles vibrations. Lui est intéressant à regarder. Fait que, il est beau dans son élocution, il est beau aussi dans sa froideur d'amener les réalités. Puis, tu sais, quand c'est un homme noir, fait que quand s'est passé l'affaire aux États-Unis avec George Floyd, on pouvait voir une certaine souffrance, mais aussi une retenue de sa part. Fait que c'est intelligent en tabarnak, parce qu'il aurait pu céder à l'émotion. Oui, il est capable de se censurer. Donc, le dominion de la spiritualité sur ta conscience, là, si tu veux le dévoiler, tu devrais commencer à regarder pourquoi est-ce que tu es mis en vibration par l'astral. Pose-toi la question. Oui, ça veut dire que je suis encore influençable par l'astral. C'est parce que tu ne le connais pas encore assez. C'est intéressant, hein? Oui. Ouais. Moi, là, je t'ai dit, je suis allergique à l'astral. Je le vois, je le sens, je le capte à travers n'importe quelle réalité vibratoire, n'importe quelle conscience, n'importe quelle émission de télévision. Je suis allergique à l'astral dans le sens que aussitôt qu'on me présente de l'astral, je sais que c'est ça, mais ça ne me met pas en vibration au niveau de la colère parce que d'un point de vue occulte, je sais que c'est nécessaire, hein, pour la société. Mais essayez pas de venir me parasiter parce que vous allez voir que vous allez frapper le plus grand mur que vous avez jamais frappé. Autrement T'sais. dit, si on prend l'histoire du masque qu'on parlait dès le départ, comme Ouais, OK. l'astral qui, dans le fond, va faire en sorte que l'imposition du masque va se faire au Québec, dans d'autres pays occidentaux, c'est nécessaire pour la société, mais en même temps, ben, venez pas me faire chier avec le masque. Ben ouais, c'est bien dit. Viens pas me faire chier avec le masque, dans le fond. Puis il y a aussi que la société doit la vivre, sa réalité, son Waterloo, parce qu'ils sont pas dans la. Ils n'ont pas frappé le mur de la conscience. Toi, tu l'as frappé le mur de la conscience à quel moment donné dans ta vie? Oh mon Dieu, j'ai eu plusieurs chocs. Tu sais, j'ai comme Ah non, mais le mur de la conscience, là. OK. Ben, Ce qui c'est-à-dire que peut je... dire qu'à un moment donné, tu es obligé d'être conscient. Ben, ce que je te dirais, c'est que quand j'ai eu 29 ans, ma psyché a changé, puis j'ai pris plus conscience que ça me parlait dans la tête avec clarté, là. Ouais, puis à quelque part, pourquoi que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dis tabarnak, là? Je suis tanné de ne pas savoir c'est qui les pions hein, derrière qui gouvernent ma conscience. À quel moment donné? C'est parce que c'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie, tu sais, que j'étais OK. taré de certaines conditions, parce que quand j'étais jeune, j'étais victime d'intimidation. Ensuite, j'ai eu mon père qui est décédé, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passait dans la vie après la mort, puis j'ai OK, eu... c'est ça. Bon, c'est ça. La vie après la mort. OK. C'était ton premier mur de conscience. Ouais, significatif, oui. Ouais. C'était ton premier mur de conscience. Moi, le mien, c'était aussi beaucoup avec le fait qu'il y avait trop d'ignorance que je ne comprenais pas. Puis, à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'aille les outils pour composer avec cette ignorance-là. Tu sais, moi, mes parents sont décédés, ça ne me faisait rien. Ben, mon père, ma mère, j'étais trop jeune, c'est normal. J'étais sous les lois d'âme. Mais quand j'étais avec mon père, j'étais déjà dans les lois de l'esprit sans le savoir. Mais la réelle construction de mon identité s'est faite dans le fait que si je suis pour vivre telle réalité, il faut qu'on me l'explique. Fait que toi, on ne te l'explique pas assez. Donc, tu es sous le dominion de la spiritualité. Puis pour avoir les explications, il faudrait que je sois plus dans la contestation froide. Ben, il faut que tu sois capable de reconnaître l'astral. Oui, Tu n'es. ben l'astral, inquiète-toi pas, ça fait des années que je le reconnais, c'est OK, sûr. mais quand tu vibres à l'affaire du coronavirus, Ben, tu ne c'est-à-dire vois pas que que je c'est. vais pas à la peur du coronavirus. Non, mais tu vibres à l'imposition du Oui, masque. ça m'achale, oui. Moi, je ne vibre pas ça. OK. Ça te démontre à quel point que tu peux être vulnérable parce que dans ton rayonnement vibratoire avec ton esprit, il y a aussi de l'interférence du dominion de la spiritualité. Puis ce dominion-là, il interfère pour la simple et unique raison que le mensonge cosmique, faut le dévoiler complètement. Une personne qui dévoile le mensonge cosmique va-tu naturaliser sa relation avec les plans invisibles? C'est-à-dire que c'est lui qui parle. Ce n'est plus jamais rien d'autres qui parlent. C'est pas le double qui parle, c'est pas la lumière qui parle, c'est lui qui parle. Puis là, la lumière, eux autres, ils vont échanger télépathiquement avec l'homme. Mais le premier échelon vibratoire, c'est l'homme parle. Moi, on ne peut pas m'empêcher de parler, puis on ne peut pas m'empêcher de contester quoi que ce soit. Non, je comprends, mais pour en revenir à moi puis mon rapport au masque, c'est Ouais. que le fait que ça soit imposé, il faudrait que je reste froid par rapport à ça. Ben, regarde, tu me dis, Marc, on va t'imposer le masque un jour. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais, mais on va l'imposer aux autres. Mais ça, c'est les autres. C'est ça que tu devrais être capable de dire. Ouais, non, je comprends. Fait que, tu sais, vibratoirement, la colère froide que tu dois avoir pour assurer ton dominion de conscience à toi, c'est ceci, c'est tabarnak. Il n'y a personne qui va me faire dire ou qui va se prononcer sur ma conscience pour me définir. C'est toi qui vas dire, bon, ben, la planète Terre s'en va où dans 20 ans? Je vais te dire une affaire. Quand ils vont commencer à te parler de la planète Terre où elle s'en va où dans 20 ans, penses-tu que tu vas penser au masque? Ben non, il va y avoir des crises beaucoup plus importantes que ça c'est clair. C'est avec ça va monter ton mental en vibration. Puis en montant ton mental en vibration, tu vas savoir exactement pourquoi il y a des âmes qui s'incarnent pour le porter le Christ de masque. Ouais, puis ça, C'est aussi simple que ça. ouais, c'est dans le sens que ces âmes-là, en portant le masque et en se soumettant, ben il y en a une partie d'eux autres qui vont se mettre à bout puis monter en rébellion puis en contestation. Puis il y en a qui sont des moutons. Oui, puis c'est ça, ils vont se faire tendre la laine sur le dos parce que, tu sais, en lien avec ça, ce que je voulais te dire aussi, il y a toute une mécanique, tu sais. Il y a eu la distanciation sociale, il y a le port du masque. Ensuite, il y a une application qui s'est développée pour les téléphones intelligents pour stopper le Ouais, c'est ça. coronavirus au Canada comme en Europe. Puis la Ouais. prochaine étape, comme la Chine, ça serait d'implanter le crédit social qui ferait en Ouais, sorte que les gens se ouais. Ouais, surveillent mais avec... Tu sais, David, tu sais, moi je te dis ceci. Oui. Tout ce que tu viens de dire, c'est possible que ça arrive sur une petite échelle. C'est possible que ça se passe sur X nombre de mois ou X nombre d'années. Mais quand il va y avoir des événements très, très, très fragilisants, là, très, très grands, c'est ces événements-là à lesquels la société aura à répondre et non à ce qui se passe présentement, là. C'est comme si on était à la maternelle. Faites-en pas. Quand on va être à l'université, il va se passer des chocs beaucoup plus révélateurs de où est rendue la conscience humaine et pourquoi qu'elle est encore soumise à une vibration qui l'assujettit, elle, à l'invisible et qui l'amène aussi, l'individu, à donner à l'invisible l'autorité absolue de décider de sa vie. Parce que l'homme n'est pas assez froid, il n'a pas assez un mental intégré, il ne connaît pas encore la notion de la froideur, parce que une colère froide, c'est quoi dans le fond? C'est la présence absolue de la direction des années à venir sur la Terre, selon votre capacité de vous projeter dans le futur à des vitesses exponentielles. Ça veut dire que si tu es capable d'aller dans 1500 ans, qu'est-ce qui va se passer sur la Terre? Ça veut dire qu'à quelque part, ta colère est suffisante pour faire plier les genoux, okay, de toute entité, que ce soit ton double, et de converser avec la lumière d'égal à égal. Je le connais en tabarnak, la vibration du double. Je suis tellement scient de l'astral que je sais comment ça fonctionne, l'astral. Pose-moi une question, n'importe quelle question, tu vas voir, je vais te donner une réponse qui va être totalement froide, mais qui va venir absolument de la lumière et non de n'importe quelle entité astrale ou dominion de vie spirituelle qui voudrait me chapeauter. Vas-y, OK. n'importe quelle question. Parfait. Donc, si tu serais à la place du premier ministre du Québec et tu aurais Ouais. à gérer le Québec dans le cadre de la crise du coronavirus, donc au lieu de faire comme ce que fait et de suivre les conseils de Saint-Arruda, qu'est-ce que Ouais. tu ferais pour gérer autrement la pandémie avec intelligence? Je te dirais, c'est pas le temps de mettre de l'intelligence dans la société. OK. Donc, on laisse la société dépérir, puis. C'est que, vu que je suis là, tu sais, je suis premier ministre, je ne le serai pas, là, parce que dire ça, ça n'aura pas d'allure, dire, c'est pas le temps. Je te dirais, ben, dans 20 ans, je vais pouvoir le faire, ce que tu dis. OK, donc autrement dit, il faut laisser la société se dégrader, puis avec Il y les a pas mesures. de, les plans de la lumière ne mettront pas personne d'intelligent pour faire ce que te dit David. C'est pas le temps. OK, fait que la société continue à s'enliser dans la peur, puis la future crise économique, parce qu'il y a de l'endettement record à plusieurs milliards, fait que. Mais ça, c'est voulu, David. Oui, ça c'est clair, mais c'est Fait parce. qu'un homme politique, là, qui n'est pas sous les lois d'homme, t'en connais-tu un, ça, plein de terre? Non. Fait que tu veux me mettre là, moi, un homme Ben, politique. tu me Moi, dis, pose-moi n'importe quelle question. Fait que j'ai posé une question. ouais, mais tu me poses une question en lien avec la capacité d'un homme gouvernemental, un homme du gouvernement de pouvoir créer de la lumière sur la Terre, puis je te dis que c'est pas le temps. OK. Mais pose-moi une autre question, bon, Oui. qui n'est pas liée à ça. Ah, quand que ça va être le temps de faire face à des situations, d'événements de fin de cycle que peut représenter la pandémie, quelle serait, lorsque le temps sera venu, la façon intelligente de gérer ça? Ils disent que pour un individu, c'est de le gérer d'une façon non collective. C'est qu'il n'y a pas à penser ou à vibrer à ce que la masse pense. Il y a lui, hein, qui a vibré à sa conscience. Dit, bon, c'est pas intelligent, mais on est là. On est obligé de continuer dans ça. Fait qu'on continue dans ça. Oui, ça c'est au niveau individuel, puis je suis d'accord avec toi, mais si au niveau de la régence planétaire, on va Ouais. prendre le relais sur le dominium spirituel, Ah, OK. comment ça va s'illustrer par rapport, par exemple, à la gestion d'une pandémie? Ce ne sera pas une pandémie. Ça va être premièrement une destruction très, très massive des sociétés dans le monde. Parce que quand on parle de régence planétaire, on parle d'un gouvernement invisible qui est la dernière autorité qu'il se doit pour inverser dans l'homme sa conscience astrale. Ils ne peuvent pas venir avant. Moi, la seule réalité vibratoire que je connais, c'est j'ai un mental suffisant pour supporter toute vague de destruction. que ce soit n'importe quoi, j'ai le mental suffisant pour le supporter. Toi, tu peux tu répondre à cette question-là de cette manière-là? Ben, en fait, pour être honnête avec toi, Tu es vulnérable. oui, il m'en reste encore de la vulnérabilité, mais je suis plus ajusté que j'y étais, je C'est l'étais ça. il y a 10 ans, là. C'est ça. Mais tu es encore vulnérable. Tu n'es pas Exact. un intouchable. Puis dans le dominion, tu sais, de l'intelligence froide de l'homme, il y a cette invulnérabilité-là qui doit jaillir, puis les plans de la lumière la connaissent. Parce que la régence planétaire ne sera pas descendue sans qu'il n'y aura pas assez d'hommes scients sur la Terre pour supporter cette lumière-là. Et ensuite, c'est ça, ces hommes-là qui vont être en mesure de gérer la venue des gens, des intelligences venant d'ailleurs pour intercepter toute domination possible de l'astral sur l'éventuelle construction de la Terre en lien avec un dominion d'îles paradisiaques pouvant être habitées simplement par une conscience définie qui est capable d'orchestrer d'une manière claire et nette dans l'antimatière de cette planète Terre le dominion soleil de l'évolution de la Terre. Donc, on est très, très près de cela, je te dirais. Et si tu continues ton mental à l'exercer, à vibrer à une colère froide, tu vas t'apercevoir que ta vie va changer. Non, je comprends, parce qu'à quelque part, je serais plus, dans le fond, dans une conscience qui va être autant éponge de l'influence du C'est ça. coronavirus, puis des C'est ça. corollaires, puis des mesures de sécurité, parce que là, c'est sûr qu'on s'enlise vers ça. Oui. Donc, Mais check ta vibration oui. aussi, David, tu sais, parce que moi, je vais te dire ceci, là. Tu as un job à faire sur la planète Terre, puis une des jobs, c'est de me faire connaître pour qu'on puisse parler en public, parce que tu peux amener la parole dans le public. Moi, je peux le faire tout seul, là, OK? Mais toi, tu as une simplicité vibratoire qui permet ça aussi de l'apporter, parce que les gens ne peuvent pas tout capter froidement ce que je dis, puis toi, avec les nuances que tu apportes, mais ça fait un bon travail. Oui, exactement. C'est sûr que des fois, je vise à recadrer certains éléments, à approfondir, à reformuler pour. Ben, c'est ta job, c'est de te faire approfondir puis de te faire capter la vibration au monde. Parce que moi, je peux être très, très froid dans tout ce que je fais. Puis les gens vont dire, il est trop froid, lui. Hein? Non, exactement. Fait que c'est sûr que moi, je peux, dans le fond, faire le pont avec le public pour, Ouais. dans le fond, seconder, par exemple, des gens qui poseraient des questions en conférence. Ouais, parce que moi, d'un séminaire, là, c'est rien que la vibration qui compte. Je suis pas là pour le monde, je suis rien que là pour la vibration. Puis dans tous les livres que j'écris, il y a rien que la vibration qui compte. Puis, fait que je suis plus capable de me soumettre à aucune volonté astrale ou vibration astrale, mais étant donné que l'élément froid de ma conscience, c'est de parler, je suis correct. Oui, mais en même temps, tu sais, t'es là pour le monde aussi, dans le sens que si tu veux manifester le principe de l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme, à quelque part, faut que tu sois disponible à la sensibilité des gens en présence. Ben, ça, l'homme l'a toujours été. C'est pas un problème. Un initié a toujours été en mesure d'aimer l'homme. C'est pas un problème. Mais il l'aime pas dans le sens, là, cucu. Égoïque, là, ou spirituel, Ouais. ça, je l'avais capté Ouais, c'est ça. vibratoirement, là, à la base. Ouais. Ça fait que parce que, tu sais, moi, la seule autorité que j'ai, là, c'est de continuer à parler. Puis la raison que je le fais, c'est pas parce que j'aime ça, nécessairement, comme, tu sais, je le fais parce que vibratoirement, dans une autorité de conscience d'être descendu sur la Terre, puis de reconnaître dans sa propre conscience que l'astral emmène large parce qu'il n'est pas contesté, puis il n'est pas dénoncé, puis qu'il y a quand même du monde qui vont parler au niveau de la conscience supramentale, puis qui vont nourrir ce mensonge-là, c'est correct aussi, parce que ça ne m'appartient pas. Mais si moi, je parle, puis je me soumets à une autorité quelconque qui serait une réponse à de l'astral, je serais en sacrement. Parce que l'homme, quand il est libre, il n'a pas la volonté de contester le mensonge. Il a l'autorité de faire éclater le mensonge. Ça va bien plus loin que juste la volonté, hein? Ouais, ben là, Il a l'autorité. on parle de la destruction de la forme du mensonge. Tu me dis qu'est-ce qu'il y a derrière le mensonge cosmique? Hein? Tu dis ben la manipulation. Ouais. Qui manipule? Oh. Ceux qui manipulent, ce sont les entités des hauts plans spirituels. Pourquoi qu'ils manipulent? Parce qu'ils ne sont pas contents d'avoir été coupés de la lumière quand ils se sont incarnés, je veux dire, dans la matière. Hein? Ouais. Puis là, ils pensent que pour reprendre leur propre soleil, ils n'ont pas besoin de s'incarner, puis ils ont besoin de gouverner l'homme. Fait que l'autorité absolue de dénoncer ça ou de me faire dire que je suis un enfant de Dieu. Ouais, ben c'est ça, il faut sortir des enfantillages ou de la religion 2.0 avec Saint Arruda qui nous dit le catéchisme là, du bon citoyen qu'il faut qu'il lave les mains 30 fois par jour puis qu'il porte le masque puis la visière. Bon, en tout cas, c'est une autre question. On va finir là-dessus parce que je suis quand même fatigué. Non, je comprends. En fait, par rapport à la contestation froide du dominium de la spiritualité, donc pour les gens qui ont tout exposé aujourd'hui, ont tout écouté l'exposé d'aujourd'hui, dans le fond, parce que dans le quotidien, on est régulièrement confronté à de la spiritualité. Bon, j'ai mis l'emphase sur la crise du coronavirus, mais ça pourrait être d'autres choses. C'est sûr que dans le fond, de ce que je comprends, essentiellement, c'est de rester intact dans le mental, puis de toujours être capable de voir dans le fond clairement là, quand l'astral ou le dominium cherche à se présenter pour tout de suite couper la vibration pour pas qu'elle nous assujettisse là. C'est toujours d'être en mode là, d'investigation, mais c'est toujours aussi d'avoir les gants de boxe. C'est parce qu'on peut te déguiser n'importe quelle vibration d'intelligence. Bon, je vais dire quelque chose parce que je sais qu'il y a des gens en France qui nous écoutent, là, mais la France a été un très, très grand peuple pour amener la liberté, les premiers principes, les premiers fondements de la liberté sur la Terre. Tu es d'accord? Oui. Mais c'est un peuple qui ne mène plus à rien aujourd'hui. Parce que l'intellect ou l'analyse est plus capable de créer de la beauté dans une société pour que les gouvernements soient intelligents. Ça fait que quand tu es poigné avec Macron, puis tu es poigné avec du monde qui essaie d'amener de l'intelligence où il y a trop de rationnel, trop de spiritualité, ben il faut absolument que tu aies les gants de boxe pour savoir que la France demeure sur les plans invisibles ou sur le plan du peuple français, un grand peuple au niveau de ce qu'il a été. Mais si tu veux t'arracher au dominion spirituel du peuple français, il faut absolument que tu te dises que la conscience supramentale, OK, ne pourra pas être émise à grande échelle en France, mais elle le sera à quelque part. Et heureusement pour ma conscience, si je suis français, que celle-ci se parle en français au départ, parce qu'elle peut mettre en vibration ma réalité constructive de la dimension qu'il y aura des mensonges énormes qui vont être racontés au nom du dominion spirituel, au nom de l'amour et au nom de bien des causes. Mais si, même si j'habite en France, je peux m'extirper de la réalité de la vibration analytique, de vouloir comprendre et d'analyser ce qui se passe, je serai déjà connecté au peuple québécois par la fréquence vibratoire que ce que l'on dit sur la planète Terre ne doit jamais m'assujettir à une quelconque autorité autre que la mienne, sinon je serai simplement un être mortel, divisible, incapable de savoir si un jour je dois quitter la France ou encore si j'habite la France et savoir faire rayonner sur le plan de ma conscience l'intégralité de la certitude que l'homme vibratoire peut se trouver n'importe où sur cette crise de planète et faire vibrer le soleil, Chris. C'est ça que j'avais à dire. Exact. Puis on peut faire copier-coller pour les pays voisins, là, comme la Suisse, la Belgique, qui aussi Tout sont pris. pays, toute conscience qui est mise en vibration par le discours de la conscience supramentale est déjà un être, OK, qui se libère des chaînes de l'involution. Ouais, puis la domination des mémoires culturelles. Ouais. Puis c'est aux gens de faire de faire éclater, si c'était en France, de faire éclater le dominion spirituel du fait que peut-être que la France est encore un grand pays. La France est un pays qui aura à subir les fougues, okay, la foudre de sa réalité analytique, parce qu'elle ne peut pas aller au-delà de la profondeur intrinsèque d'un contact totalement occulte avec l'invisible, qui n'est pas basé sur de la réflexion, mais qui est basé sur la vibration de l'intelligence de savoir ce qui pénètre son mental. C'est tout. La vibration, c'est tout ce qui compte, parce que une colère froide pour inverser dans sa conscience toute réalité d'un dominion spirituel fait appel à ceci, à ne jamais donner à la lumière ou à la noirceur ou à l'individu l'autorité de pouvoir nous définir ou se définir sur notre conscience. Du moment qu'on est mis en vibration par l'intelligence d'une vibration prépersonnelle, on doit le savoir. Et si on n'a pas la certitude absolue, on doit encore investiguer pour savoir qu'est-ce qui permet encore à la telle personne d'être une autorité dans ma vie, alors qu'en fait, je ne sais pas encore si elle est intelligente ou pas, Calis. Oui. Un jour, il faut le savoir avec qui qu'on traite. Oui, puis ça fait partie de ce savoir également. Ouais. Parce Donc. que moi, quand je traitais avec Bernard de Montréal, je savais que c'était la plus haute vibration qu'il y avait sur la planète Terre. Parce que, Chris, quand tu poses une question, puis c'est toujours intelligent, tu te poses plus de questions. Exactement, tu vibres au savoir. Ben, tu vibres à ta propre intelligence. Parce que la job d'un initié, c'est de faire vibrer l'autre à sa propre intelligence. C'est pas de faire vibrer l'intelligence en lui. C'est d'amener l'autre à être capable de vibrer à sa propre intelligence. Pour que lui, après ça, la connaisse, son intelligence. Puis qu'elle grandisse dans une certaine froideur. Moi, je le reconnais ce soir que tu as encore une réalité vibratoire qui te joue un jeu au niveau de la froideur parce que le dominion spirituel t'arrache ou t'éteint dans ta liberté de contestation. Mais ça, c'est temporaire, hein? Tu le sais autant que moi. Exactement, puis en discutant avec toi, ben ça change, ça participe à changer ma vibration. Tant mieux, Chris. Salut. Excellent, je te remercie. Donc, à bientôt. Au revoir. OK, bye.